Le baron, qui devait signer le procès-verbal, restait là tout hébété, seul avec le commissaire de police. Quand le conseiller d'État eut signé, le commissaire de police le regarda d'un air fin par-dessus ses lunettes. « Vous aimez beaucoup cette petite dame, monsieur le baron. Pour mon malheur, vous le voyez. Si elle ne vous aimait pas, reprit le commissaire, si elle vous trompait. Je l'ai déjà su, là, monsieur, à cette place. Nous nous le sommes dit, monsieur Crevel et moi. Ah, vous savez que vous êtes ici dans la petite maison de monsieur le maire. Parfaitement. » Le commissaire souleva légèrement son chapeau pour saluer le vieillard. « Vous êtes bien amoureux, je me tais, » dit-il. « Je respecte les passions invétérées, autant que les médecins respectent les maladies invées. J'ai vu ce monsieur de Nucingen, le banquier, atteint d'une passion de ce genre-là. »« C'est mon ami, » reprit le baron. « J'ai soupé souvent avec la belle Esther. Elle valait les 2 millions qu'elle lui a coûtés. » « Plus, » dit le commissaire. Cette fantaisie du vieux financier a coûté la vie à 4 personnes. Oh, ces passions-là, c'est comme le choléra. Qu'aviez-vous à me dire? Demanda le conseiller d'État, qui prit mal cet avis indirect. Pourquoi vous ôterais-je vos illusions? Répliqua le commissaire de police. Il est si rare d'en conserver à votre âge. Débarrassez-m'en, s'écria le conseiller d'État. On maudit le médecin plus tard, répondit le commissaire en souriant. « De grâce, monsieur le commissaire !»« Eh bien, cette femme était d'accord avec son mari. »« Oh,